بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لوتور كي ندي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui oublie une prière ou qui dort pendant celle-ci, alors qu'il la rattrape lorsqu'il s'en rappelle, et il n'a aucune expiation en dehors de cela. Allah ta'ala qui dit وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ et accomplit la prière pour mon rappel. Et وَلِمُسْلِمِينَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا. Et dans le recueil de l'imam muslim, celui qui oublie une prière ou qui dort pendant celle-ci, alors son expiation est qu'il l'a prie lorsqu'il s'en rappelle. في هذا الحديث أن من أخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي فله القضاء والعذر الشرعي هو النسيان أو النوم بغير قصد. Il y a dans ce hadith le fait que celui qui fait sortir la prière de son temps avec une excuse légiférée, alors celui-ci lui est donc légiféré de rattraper cette prière. Et ce qui est voulu par l'excuse légiférée, c'est l'oubli ou le fait de dormir sans, ou le fait de dormir durant la prière de façon non intentionnelle. وَأَكُولُوا النَّوْمْ بِغَيْرِ قَصْدِ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ يَتَعَمَّدُ النَّوْمْ عَنِ الصَّلَاةِ فَهَذَا لَا يُقَالُ إِنَّهُ مَعْذُورٌ بَلْ هُوَ آثِمٌ وَقَدْ اعْتَبَرَهُ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كُفْرًا. Et lorsque je dis que celui qui dort durant la prière de façon non intentionnelle, je le dis car certaines personnes le font de façon intentionnelle. Et cet individu, celui qui fait cela, on ne dit pas de lui qu'il est excusé. Mais certes, il est pécheur, c'est un grand péché. Et certains savants, un groupe des gens de science, ont considéré cela comme de la mécréance, le fait d'avoir apostasié. وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَى فَسَنُفَصِّلُ فِيهِ فِي وَقْتِهِ إِنْشَاءَ اللَّهِ. Et en ce qui concerne le fait de rattraper, c'est-à-dire celui qui fait sortir la prière de son temps, de façon intentionnelle, alors, à ce moment-là, donc, ce sujet-là, on va le détailler, بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى, dans les prochains cours. أَمَّا الْمَعْذُورِ فَهُوَ يَقْدِي وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى ذَلِكَ كَمَا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. En ce qui concerne celui qui est excusé, celui qui va donc rater la prière pour une excuse légiférée, comme le fait d'avoir dormi sans avoir fait exprès, ou le fait d'avoir oublié, alors celui-ci, donc, il rattrape la prière et il n'a aucune autre expiation en dehors de cela, comme l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. Il y a aussi dans le hadith le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم a cité la parole d'Allah le Très-Haut et accompli donc وأقم الصلاة لذكري et accompli la prière pour mon rappel. والمخاطب في هذه الآية هو نبي الله موسى. Et celui à qui cette parole est adressé dans ce verset, c'est le prophète d'Allah, Moussa. Allah Ta'ala qui nous dit, فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. Lorsque Moussa parvint, il fut dit, ô Moussa, إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَقْلَ عَنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. Certes, moi je suis ton Seigneur, alors enlève tes deux sandales. Tu es certes dans الْوَادِ الْمُقَدَّسِ, la vallée bénie de toi. Wa ana akhtaratuka fastami' lima yuha. Et je t'ai choisi. Alors écoute ce qui t'est révélé. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Et certes, je suis Allah, nul ne mérite l'adoration en dehors de moi. Alors adore-moi et accomplis la prière pour mon rappel. Wa qad istadalla al-ulama bi hadhihi al-aya wa bi ghayriha ala anna shar'a man qablana shar'un lana. Et certes, les savants, ils ont utilisé ce verset et les autres et d'autres versets que celui-ci pour montrer que la législation des peuples d'avant nous est aussi notre législation. Comme donc ici, ce verset montre que le peuple de Béni Israël aussi, il priait. وقد ذكر العلماء منه ومنهم ابن العثيمين رحمه الله في هذه المسألة تفصيلا. Et donc les savants, ils ont détaillé ce sujet, et parmi eux, le cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah. « Hal shar'u man qablana shar'un lana » Est-ce que la législation des peuples d'avant nous est aussi une législation pour nous ?« Wal jawab ou birtisar » Et la réponse de façon résumée. « La uja'a fi shar'ina, ma yadullu ala mashru'iyatil amri » فَهُوَ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَهُوَ شَرْعُ لَنَا كَسْسَلَاتِ. Si il y a dans notre législation une preuve qui montre que cela est légiféré, alors ceci est la législation du peuple d'avant nous et c'est aussi notre législation, comme la salat, comme on l'a vu ici dans cet exemple. وَإِنْ جَاءَ فِي شَرْعِنَا مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الْأَمْرِ فَهُوَ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَلَيْسَ شَرْعًا لَنَا. Et si il y a dans notre législation une preuve qui montre que cela n'est pas légiféré, alors ceci est la législation du peuple d'avant nous, mais ce n'est pas notre législation. وَإِنْ جَاءَ فِي شَرْعِنَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوعًا لِمَنْ قَبْلَنَا وَهُوَ مَشْرُوعٌ لَنَا فَهُوَ شَرْعٌ لَنَا وَلَيْسَ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا وَهُوَ لَيْسَ شَرْعَ مَنْ قَبْلِنَا كَالصَّلَاةِ فِي أَيِّ مَكَانٍ طَاهِرٍ. Et donc, si il y a dans notre législation ce qui montre que cet acte n'était pas légiféré avant, mais par contre qu'il est légiféré à notre époque, alors c'est notre législation, mais ce n'est pas la législation des peuples d'avant nous. Comme la prière qui s'accomplit partout sur terre, donc partout dans un endroit pur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Wa u'atitu khamsan lam yu'atahunna ahadun min al-anbiya'i qabli » 5 choses m'ont été données et qui ne furent données à aucun des prophètes avant moi. Et parmi ces choses-là, il dit sallallahu alayhi wa sallam « Wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura » Et certes, la terre tout entière, la terre m'a été faite comme lieu de prosternation et élément de purification. Et donc les musulmans peuvent prier n'importe où sur terre. Ça, c'est notre législation et ce n'est pas la législation des peuples précédents. Wa in thabata annahu shar'un min qablana. ولم يرد في شرعنا ما يدل على مشروعيته أو عدم مشروعيته فهو شرع لنا أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم. Et si c'est attiré, affirmé que cet élément dont on parle est la législation des peuples précédents, mais qu'il n'y a aucune preuve dans notre législation qui montre que cet élément est légiféré ou non légiféré, alors l'avis le plus juste des gens de science, c'est que cet élément est aussi légiféré à notre époque. Et qu'il est aussi légiféré, donc, pour la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعُ لَنَا. Et donc voilà ce qui concerne le sujet de façon résumée. Est-ce que la législation des peuples d'avant nous est aussi notre législation ? أما الآية المذكورة في الحديث هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هي مدرجة؟ En ce qui concerne le verset qui a été cité dans le hadith, est-ce que ce verset fait partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors c'est un verset qui a été intégré par la suite dans le hadith. Je relis le hadith en français rapidement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui oublie une prière ou qui dort pendant celle-ci, alors qu'il la rattrape lorsqu'il la rappelle, lorsqu'il s'en rappelle, et il n'a aucune autre expiation en dehors de celle-ci, en dehors de cela. Puis il a récité la parole d'Allah Ta'ala. Non, excusez-moi. Puis Allah Ta'ala a dit: wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière pour mon rappel. Et donc, est-ce que cette parole, et accomplis la prière pour mon rappel, fait partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a donc intégré dans le hadith? Fa al-'allamatu an-najmi rahimahullah ذكر أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الكلام مدرج لأنه قد ورد في رواية لمسلم بلفظ قال قتادة وأقم الصلاة لذكري. Le très savant Al-Najmi rahimahullah, il dit que la vie le plus juste des gens de science est que cette parole a été intégrée dans le hadith. Ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement parce que il y a une narration dans le recueil de l'imam Muslim dans laquelle il est stipulé « et Qatada a dit ». Donc parmi les narrateurs du hadith, Qatada a dit « wa aqimis salat al-dhikri » et accomplis la prière pour mon rappel. Juste une petite parenthèse ici concernant le mudraj. Certains peuvent se poser la question: comment ça se fait qu'il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite qu'il y en a un autre qui intègre sa parole dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment a-t-il osé faire ça? En réalité, il faut savoir donc qu'il n'est pas voulu par là que ce rapporteur a voulu faire quelque chose de mal ou autre. Non, il se peut que quelqu'un, un rapporteur, il cite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite, après avoir cité le hadith, il fait un commentaire. Il faut un commentaire. Comme par exemple, je vous dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui oublie une prière ou qu'il dort pendant celle-ci, alors qu'il la rattrape lorsqu'il s'en rappelle. Mais attention, celui qui le fait intentionnellement, certes, il sort de l'islam. Ça, je vous dis maintenant. D'accord? Quelqu'un va entendre ce hadith, il va prendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai entendu au début, plus ma parole, mon commentaire à moi, que j'ai cité après, et il va mettre tout ça en disant: c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment ce genre de choses arrivent. Mais les savants du hadith, ils font des enquêtes. Ils vont rassembler les narrations, ils vont rassembler les différentes paroles des narrateurs pour détecter qu'est-ce qui fait partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Et c'est comme ça qu'on voit donc ici qu'il y a une narration qui montre que Qatada a dit. Donc cette parole qui est attribuée à Qatada. Et pour finir, parce qu'on ne va pas faire long aujourd'hui, il y a cours avec Cheikh Arafat al-Muhammadi tout de suite après. Et donc, « Idhan, ma yata'allaku bi fiqh al-hadith » أنه يجب القضاء على من فاتته الصلاة بالنوم أو النسيان. Et donc, concernant la compréhension du hadith et les divers sujets qu'on peut tirer de ce hadith, il y a le fait que celui qui a oublié la prière, celui donc qui a raté la prière par oubli ou alors qui a dormi, alors il lui est obligatoire de rattraper cette prière. طيب. أما هذا القضاء هل يلزم على الفور أو على التراخي أو هل يلزم المتعمد كذلك فهذا سنراه في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. Et donc, mais en ce qui concerne le fait de rattraper cette prière, le fait de rattraper cette prière que la personne a oubliée ou alors qu'elle a dormi, est-il obligatoire de rattraper cette prière sur le champ ou alors on peut attendre un peu? Tu viens de te réveiller, tu t'es réveillé à 7h du matin. Ou excuse-moi, ah non, Chorouk, en ce moment, c'est à quelle heure, Chorouk? 7h30? Tu t'es réveillé à 8h du matin. Le temps de Fajr, il est passé. Tu te dis, ah, il faut que je prie tout de suite, ou alors tu peux retarder un peu. 8h10, 8h30, 9h, 10h. Est-ce que tu peux retarder ou tu dois prier tout de suite? Ça, on le verra demain, Inch'Allah Ta'ala. Et aussi, donc, concernant celui qui a fait sortir la prière de son temps intentionnellement. Les personnes qui vont être négligents ou au travail. Tu es au travail, tu travailles de telle heure à telle heure et le soir, donc intentionnellement, tu n'as pas fait ta prière à l'heure. Est-ce que le soir, il t'est légiféré de rattraper cette prière ou pas? On le verra ça demain, inshallah ta'ala, wa faqallahu al-jami'a. لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.